avons tout de suite Hervé Huch avec nous, justement. Ah, avec... Oula, ça va un petit peu fort là, non? Ça va Hervé? Ouais, bonsoir. Oh, de la jolie voix. Ah, merci. Voix affinée. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu as maigri. Ouais, tu dis ça à chaque fois. Bah, attends, mais bientôt, tu vas, je vais pouvoir... Bientôt, ouais, tu vas passer entre les portes, entre, tu sais. Entre les portes, ouais, merci. Comment tu vas? Ça va super, ça va un peu mieux, parce que la semaine dernière, j'étais malade. Un petit peu grippe, malade. Hein, voilà, mais bon, ça arrive. Hein, c'est ça un petit peu la monde, période hein. Aussi, c'est vrai. Voilà, en plein boom. Pour la soirée spéciale. La soirée samedi, la première soirée Remember of Past dans ce nouvel endroit, le Tweetcast à Courtrai. Super endroit dans un château, endroit atypique, féerique, etc. Super son, MPP, parking, etc., etc. Boisson, boisson, voilà. Ça va être noir de monde parce que c'est tous les échos qu'on entend depuis presque un mois sur l'ensemble des forums internet, MySpace, le site Remember of Past, etc. Puis l'endroit, ce changement va faire que il y a plein d'anciens clients du 37, du Sky, qui venaient au début de mes soirées au Steeple, qui reviennent. C'est vraiment génial, c'est une super nouvelle aventure pour nous. Puis tout le concept a entièrement changé, comme je te l'avais dit. Hein, ouais. Cette histoire un peu coquin, un peu underground, un petit peu tout ça, tout ce mélange fait que les gens sont super motivés pour cette première soirée Remember of Past qui s'appelle le Bal Masqué, donc années 80. Donc l'entrée c'est 10 euros. On va offrir à chaque personne donc un masque et surtout un bon de réduction qui s'appelle Rob Discount Card, moins 5 euros valable pour la prochaine soirée. Voilà, etc. Avec une musique, on sera deux à mixer. Il y aura Aimé le Chevalier, donc Leven de Rieder, que tu as déjà rencontré. Oui, qui m'a mixé du minimal. Mm-hmm. Et moi, donc le côté un peu dark, bad cave, minimal, électro, toutes les nouvelles choses qu'on joue. Quoi. Voilà, ça va être vraiment grave. Ouverture des portes à partir de quelle heure? 21h, et je pense qu'à 23h, ça va être blindé. On attend 500, 600 personnes, sur minimum. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est tous les échos, tous les emails, les gens qui m'écrivent en disant écoute, Hervé, c'est super, t'as changé d'endroit, on vient à 18, on vient à 20. D'accord. Voilà. Bien. Puis, bon. Donc s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui dit tiens, comment je peux faire pour retrouver le plan pour aller au château? Ils vont sur le site Remember of Past, sur le forum. Ils vont sur Norgot. Ils vont sur tous les forums New Wave, Gothique, Bad Cave, même le LOSC. J'ai même posté sur le forum du LOSC, même Lance, parce que j'ai retrouvé des anciens clients du 37 et du Sky qui étaient fans de cette équipe-là, de ces équipes, et qui connaissaient que c'est à l'époque, je refaisais mes soirées depuis 4 ans, toi. Et c'est vraiment la magie de ce retour très revival des années 80, etc. Quoi. C'est vraiment... Et le changement de ce château fait que y a plein de gens qui viennent, qui découvrent. C'est vraiment incroyable. C'est super. Bah écoute, je crois que donc, ça première va soirée, très bien se passer. Après, au mois d'avril, c'est avec SA42. Au mois de juin, je fais ça avec une organisation new-yorkaise qui s'appelle Weird, avec deux groupes américains. Il y a plein de choses qui se déboulent grâce à ça, quoi, qui se déclenchent. C'est incroyable. Bien, bien. Voilà, et pour trouver le Toy Scattle, c'est très facile. Les gens prennent l'autoroute de Gand. Après Moucron, il y a une sortie Courtrai Sud. C'est très simple. C'est marqué Expo. Ils sortent là. Il y a Kinépolis et le château est là. Voilà, c'est hyper facile d'accès. En tout cas, s'ils veulent aussi des informations, même par téléphone, pour avoir d'autres renseignements. Oui, voilà, et merci. Ce soir, ça sera vraiment un aperçu ce que vous allez retrouver samedi. Musique un peu électro, nouvelle, ancienne, tout se mélange, meeting pot. Vous allez voir, vous allez vous éclater sur le dance floor, n'est-ce pas, messieurs, dames? On est impatients d'écouter merci, tout ça. Merci à vous. Ciao et merci de votre fidélité. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs. Messieurs, allez tout de suite, l'émission Remember of Past présentée par RVU, c'est en direct et n'oubliez pas, il vous retrouve ce samedi soir du côté de Courtrai. Bonne soirée à tous, il vous accompagne jusqu'à 22h30. Galaxy, out of time, house of time. L'émission Remember of Past, mercredi soir de 21h à 22h30, avec Hervé sur Galaxy. Thank you. We'll be right back. Is there a better way? Yeah. No clapping of wings, no motions around, just the singing wind in an ominous silence. The swamp is a very dangerous place at night. Overlooking the fan, and covered in tiny, overlooking the fan. What dark dreams that you